élégie. Je m'ignorais encore. Je n'avais pas aimé. L'amour, si ce n'est toi, qui pouvait me l'apprendre? À 15 ans, j'entrevis un enfant désarmé. Il me parut plus folâtre que tendre. D'un trait sans force, il effleura mon cœur. Il fut léger, comme un riant mensonge. Il offrait le plaisir, sans parler de bonheur. Il s'envola. Je ne perdis qu'un songe. Je l'ai vu dans tes yeux, cet invincible amour, dont le premier regard trouble, saisit, enflamme, qui commande à nos sens, qui s'attache à notre âme, et qui l'asservit sans retour. Cette félicité suprême, cet entier oubli de soi-même, ce besoin d'aimer pour aimer, et que le mot amour semble à peine exprimer, ton cœur seul le renferme et le mien le devine. Je sens à tes transports, à ma fidélité, qu'il veut dire à la fois bonheur, éternité, et que sa puissance est divine.